Merci Fanny d'être venue à l'émission pour cette, ce thème à contre-pied, on va dire. Enfin, du moins, une sorte de contre-feu, contre-pied. Contre-feu, c'est bien. Contre-feu, c'est mieux. Ouais. Donc, aussi, je dois signaler que tu es la première invitée, la deuxième invitée féminine de cette émission. Et voilà. Il fallait le noter, c'est tout. Hein. Je te laisse faire des commentaires. Un bon point. Hein. Je suis ravie d'être là. Merci pour l'invitation. Voilà, de rien. Je monte un peu je monte un peu ton micro. C'est bon, ouais. On va donc commencer par. Donc, c'est un peu comme toujours une émission thématique de manière lâche. À la fois dans. Enfin, lâche, c'est-à-dire dans. Pas nécessairement rigoureuse, mais on va discuter en fait et mettre des morceaux. Donc, tu as choisi des morceaux joyeux, j'imagine. Ouais, je suis venue un peu avec mes morceaux doudou du moment. Voilà, mais okay. D'où le thème contre-pied aussi. Ouais, avec la situation qu'on est tous et tout en train de vivre. Voilà, moi la musique me permet de m'extraire un peu de tout ça, et ça, c'est mes morceaux doudou. Que j'écoute quand ça va pas. Ok, très bien. Eh ben, si ce serait une bonne idée peut-être d'en mettre un, par exemple, vu que ça tombe très bien, vu que le président finit. Alors, qu'est-ce que tu souhaites mettre pour lancer cette émission sur l'optimisme et l'aide morale. Non, l'aide morale, l'aide à aller l'aide mieux. Morale ou le rôle doudou de l'émission. On peut commencer par le premier, Avalon Emerson. Très bien. Ben on le met et puis on en discute après. Ça voilà. Très bien. À tout de suite. Someone told me to be here, whispering these familiar things, talking to my little head, smoking the same old cigarettes. I would have laughed. I saw you. And I C'est la fin du morceau. Ouais. On dirait. Alors, tu disais que c'était une reprise des Magnetic Fields. C'est ça, ouais, un morceau de 99. Ouais. Qui a été écrit par Stephen Merritt. Oula. Ouais. Et il a quelque chose de très ironique dans l'écriture. Avalon Emerson en fait une reprise fairy tale à fond, un petit monde imaginaire comme ça. C'est le titre du morceau, Long Forgotten Fairy Tale. Ouais, ouais, exactement. On est très près du morceau original. Hein. C'est, c'est vraiment une reprise électronique du morceau. Mais c'est vraiment, c'est les paroles qui me touchent aussi avec ce truc qui, c'est un espèce de non-sens, une extraction du monde réel et vers un monde coloré, voire trop coloré. C'est ouais, Stephen Merritt, c'est, enfin bon, je connaissais juste un morceau sur où il racontait une histoire d'amour, mais du point de vue d'un lapin, enfin pas d'un lapin, mais qui voulait. En gros, son histoire d'amour, c'était de vouloir baiser comme des lapins. Enfin voilà, donc il y a un truc très désenchanté en même temps que Voilà, on réenchante un peu. Ouais, ouais. Très bien, super. On peut enchaîner sur un autre de tes morceaux, par exemple. Ouais, carrément. On peut y aller un peu au pifomètre. Hein. Ouais. Là, c'est par ordre alphabétique, j'ai l'impression. Dans le. Alors, CCFX, par exemple. CCFX, ouais. Voilà, très bien. Allez, on y va. The one to wait. Thank you. morceau est quand même un peu triste. Enfin, non, il est pas vraiment optimiste. Si, il est optimiste. On a dit contre-feu, contre-pied. L'optimisme, là, il se loge dans fais tes valises et barre-toi. Ça qui transparaît. D'accord. Ce morceau-là. Bon, c'est vrai que j'ai pas fait attention exactement. Mais moi, c'est la voix de cette chanteuse de Sissi Dost qui me transporte vraiment et qui est assez au-dessus quand même. Au-dessus de la mêlée. Au-dessus de la mêlée, ouais. D'accord. On va avoir beaucoup de voix féminines dans ma sélection. Très bien. Très bien, ça me va. Qu'est-ce qu'on disait hors antenne ? Rien. Rien de particulier. C'est. L'optimisme, donc on va attendre un petit peu avant d'aborder le sujet de manière, bon, je sais pas, conceptuelle ou pas, abstraite on va dire. Donc là le morceau s'appelle The One to Wait. En fait, tu peux nous dire de quoi ça parle un petit peu. Vite fait, ouais. Et moi, ce que j'ai vraiment retenu c'est The One to Wait. Il y a aussi une lassitude dans l'attente et un moment plus déclencheur où il faut partir et se prendre en main et c'est The One Not to Wait Anymore. Ok, et c'est un morceau qui date de quelle année ? Enfin, à peu près, quoi. Ce morceau-là, il est 2017, ouais. Sur un EP qui est sorti chez DFA Records. D'accord. Et CCFX, c'est la rencontre de la chanteuse de Sissi Dost et de TransFX, qui sont deux musiciens des États-Unis. Deux sur le label DFA. Ouais, tout est sorti là-dessus. D'accord. C'est vrai qu'il y a, j'avais effectivement, ouais. Ça rappelle des choses sur DFA, des trucs de LCD, Sound System, notamment. Ouais, enfin, dans l'humeur. Mais un peu, ouais, je sais pas. Moi, je pensais que c'était beaucoup plus tôt comme musique, mais je trouve que ça, c'est un peu. Pas tant. Trip hop, mais non, très bien. Alors, moi, je vais mettre un truc assez vieux, qui, pour le coup, est ah merde. Et entraînant, on va dire, voilà. Donc c'est aussi une manière d'être optimiste, peut-être. Voilà, facile. On se retrouve après ce morceau entraînant qui rend optimiste. We'll be right back. Yes. On a un peu changé de localité, non? Ouais, là on est allé dans le sud. Parce qu'avant on était où? Ah oui, avant c'était CCFX. Les États-Unis. Ouais, okay, ouais. Les États-Unis. Avalon Emerson aussi. En Europe. Disco Sentimento. Je crois que c'est un edit de Disco Sentimento de Landro Express. Bon, bref. Un edit acheté à Rome dans cette boutique qui s'appelle Goody Music. Sur la Piazza dei Popolo pour ceux qui. Optimisme, le optimisme du sud, hein, la Dolce Vita, alors c'est pas vraiment de l'optimisme, c'est plutôt une capacité à être joyeux, à être heureux. À être heureux et à aimer aussi l'instant présent, l'immédiateté. Voilà. Ce qui est un peu regrettable des fois dans la forme d'optimisme qu'on nous propose, par exemple à la Ligue des Optimistes de France. Ouais. Où l'optimisme se voit plus à long terme, ouais. Réussir sa vie. Ils ont un site internet qui est assez incroyable, la Ligue des Optimistes de France, avec des articles comme « Arrêtez de se plaindre en 10 leçons ». Ouais, d'accord. Ou okay. « L'envie de réussir crée la réussite ». Ouais. Et c'est cette confusion, je trouve, entre optimisme et opportunisme. L'optimisme capitaliste. Alors c'est ça, ouais. C'est... Bon, il y a quand même... Bon, l'optimisme, ce qu'on disait, donc, devient de plus en intrinsèquement, ou je sais pas, ou historiquement, je sais pas, lié au capitalisme. Par exemple, on parle aussi, et à, on va dire à l'économie, parce qu'on parle d'optimisation, optimisme, optimisation, il y a une racine commune. Donc, faire mieux, en faire fait. Mieux. Faire mieux. Bien vivre. Mieux vivre. Mieux vivre. Mieux vivre. Même le pas mieux bien vivre, ouais. Donc, oui, c'est le. C'est quoi le dévoiement du terme optimisme ou c'est l'optimisme est vraiment c'est vraiment ça l'optimisme. Bah, l'optimisme est quand même souvent décrit comme un... que c'est les bonnes choses vont arriver et que l'avenir sera favorable parce que on a une forme d'emprise et qu'on peut changer les choses. Donc les bonnes choses vont arriver, c'est-à-dire ouais. qu'elles sont pas là. Elles sont c'est, pas là. C'est toujours l'optimisme, donc c'est toujours l'espoir de c'est toujours une projection. Toujours une projection. Donc c'est là où c'est aveuglant, finalement, l'optimisme. Bah peut-être puisque... un petit manque de lucidité qui s'installe. Et en tout cas, c'est une valeur qu'on nous rabâche assez facilement, je trouve, l'optimisme. Oui. Dans les magazines féminins, par exemple, qu'on est sur une playlist assez féminine. Et bah, le magazine féminin nous rabâche que quand même, il faut rester optimiste face à tout ce monde, à tout ce qu'on nous raconte dans les médias, restons optimistes tout le temps, comme une injonction comme ça qu'il faut respecter. Restons optimistes, participons à ce qui se passe. Parce que ce qui se passait, eh bien, ce qui se passe va nous amener vers le mieux. Va nous amener vers le mieux, ouais. Dans les magazines masculins, je crois qu'il y a ça aussi. Ouais. Mais bon, il me semble. Même. Ouais, ok, ok. Bon, alors j'ai pris Voltaire et Candide, voilà, qui est en fait une critique de l'optimisme. Enfin bon, pour ceux qui l'ont pas lu, Candide est foncièrement optimiste, si je me souviens bien, et en fait il lui arrive que de la merde, quoi, tout le temps. Tout le temps, et je pourrais. Ça me fait penser d'ailleurs à un autre roman du. Un roman du Marquis de Sade, Les Infortunes de la Vertu, où donc c'est une jeune vierge qui est vertueuse et continue d'être vertueuse pendant tout le long et à qui il arrive les pires atrocités et voilà qui comme ça essaie de traverser l'atrocité du monde tout en gardant sa vertu qui pourrait être l'optimisme maintenant j'imagine voilà. On va mettre un petit morceau. Oui, avec un titre. Enfin, le titre du groupe Maximum Joy. Ouais. Qui est concentré d'optimisme. Ok. Stretch. Stretch, ouais. On en parle après. Ouais. Yeah! don't fit, my hat don't fit, my coat don't fit, I'm a misfit. But I'm growing fast, too fast, growing fast, much too fast. Alors, Lily avait une question. Lily est avec nous ce soir. Est-ce que les personnes ivres sont optimistes? C'est ça? Je sais pas. Bon. Question pour le chat. Question pour le chat. Ouais, voilà. Très bien. Sachant que. Alors, si moi j'ai une citation de Faulkner où il dit que l'alcool permet de confondre la fin et les moyens. Voilà. Voilà. Donc à réfléchir. Qu'est-ce que en ça c'est optimiste? Bon, je sais pas. En tout cas, ça, l'alcool apporte souvent quand même un lâcher prise qui tend vers le côté positif, ou pas, Je saurais pas vraiment répondre à cette question. Je pensais, je me disais que Oui, il y a aussi cette citation de je ne sais plus qui. Il faut savoir allier l'optimisme de la volonté et le pessimisme de l'intelligence. Voilà. Voilà, bon, parce qu'on souvent on croit que les gens optimistes ou pessimistes ça peut pousser à l'inaction et donc au rien. Donc on confond souvent pessimisme et peut-être nihilisme. Alors que le pessimisme est juste une sorte de finalement de biais de perception. Enfin, c'est ce que je pense. Comme l'optimisme aussi d'ailleurs. Ouais, mais c'est qui plutôt est... une posture. Enfin, est-ce qu'on peut résumer ça à une posture? Moi, j'aime bien la posture de l'enthousiasme à la place de l'optimisme. Ouais. Qui est plus proche de l'appétit de la vie, l'enthousiasme. Ouais. La volonté de découvrir, d'avancer, avec quand même une forme positive. Et de la joie. Et de la joie, dans l'enthousiasme. Et c'est peut-être moins... vu que c'est moins projeté, quoi, finalement. C'est pas vers le... Ouais. Je sais pas, vers un but. Alors, un petit morceau... Maximum Joy, en un mot. Ah oui, pardon. On en parle. Très bien, très bien, excuse-moi, désolé. Ouais, super morceau de disco-punk, on va dire, hein, vu l'époque, post-punk. Ouais, complètement. On est en 1981, il s'appelle Stretch, donc ça vient de Bristol, avec cette chanteuse Janine Rainforth, qui est juste pour l'enthousiasme, là, on a une voix très enthousiaste, je trouve, et qui est soutenue par une ligne de basse assez élastique, moi, je dirais. Mmh. Qui nous emmène vers le groove, un groove funky, plein de ruptures. De tête, je crois qu'il n'y a qu'un seul album de ce groupe-là. Ouais. Et il est excellent. Encore une question pour le chat, peut-être. ouais. Alors, l'alcool n'est qu'un amplificateur. Ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Et le speed, plus. ouais. À débattre. pardon, vas-y, continue. Non, c'est bon. Bristol, quand même. Ouais. Bristol ouais. Les années 80. Super, il y a plein de choses bonnes de Bristol. Une belle comète dans le ciel musical. Ouais, génial. Alors moi, je vais mettre un morceau vraiment à contre-pied. À contre-pied du contre-pied du contre-pied. C'est un morceau de Phil Collins. Voilà. Donc, c'est un enthousiasme différent. Un morceau qui rend optimiste. Phil Collins, hors Genesis. Ouais, solo là. Solo Phil Collins. Bon, ben moi j'aime beaucoup, voilà. je sais bien que c'est quand même mainstream, et donc tout ce qui est mainstream est forcément plus optimiste qu'il ne l'est pas. Tu veux dire le côté pop Côté pop joyeux, ouais. Et bon, il y a des morceaux tristes quand même chez Phil Collins. Notamment le morceau juste avant où il raconte sa séparation avec sa femme. Mmh. Donc voilà. Bon, bref. Mais on peut peut-être enchaîner sur un autre morceau un peu triste, ouais. Mais un peu optimiste quand même, de ouais. Beverly Copeland. Beverly, yes. Glenn Copeland. Très bien, hop, ça marche. Qui s'appelle Primal. Qui s'appelle La Vita. La Vita, ouais. Ah oui. La Vita, une grosse leçon de vie. Ok. Ça m'a soufflé, quoi. On peut s'arrêter un peu sur celui-là quand même, et sur Beverly Girl. Ouais, bien sûr, on s'arrête sur tout ce que tu veux. Qui est moi, enfin c'est ma dernière grosse claque musicale. Petite, ouais. Dédicace à Nicolas Novarina s'il nous écoute. Ouais. Ce cadre rude. qui connaît très bien Beverly Copeland. Et ce morceau-là, il est... enfin, c'est une leçon de vie, quoi. Moi, je le prends vraiment comme une leçon de vie. Ça commence avec une base comme ça, un peu trip-hop, et on arrive sur de l'opéra. Et quand on met en perspective la vie de cette personne-là, c'est juste assez dingue. Un premier album qui sort dans les années 70, qui passe complètement à la trappe, et qui est redécouvert une dizaine d'années plus tard. Et une carrière comme ça, un peu en dents de scie, sans réel succès, mais ce genre de morceaux qui navigue entre plusieurs genres, et Beverly Copeland navigue entre plusieurs genres, sous tous les sens du terme, puisque c'est un artiste trans qui a fui les États-Unis pour vivre au Canada et trouver une vie plus safe. Et musicalement, ça oscille entre plein de choses, entre le jazz, le gospel, le classique, la musique électronique. Enfin, vraiment, c'est assez dingue. Et ce morceau-là, qui est ça va très vite, hein, les paroles en anglais, qui sont un enchaînement comme ça de ça conseils. Ça va très fort, tu veux dire. Très fort et très... C'est, ouais, c'est très puissant. Très intense. Ouais. Et pour finir sur le conseil de sa mère, qui est « Enjoy your lifetime ». Et finalement, pour moi, qui est porteur d'enthousiasme et d'optimisme, essaye de t'éclater et de tout faire pour que ta vie soit belle. Donc là, c'est l'acception positive, ou l'acception acceptable de l'optimisme, quoi. Enfin, c'est-à-dire détaché de l'expansion capitaliste, quoi. Juste quelque chose de plus nécessaire, en fait. Enfin, ouais, c'est complètement. Pour juste continuer. On en parlait hors antenne de finalement aussi ces formes d'optimisme qu'on trouve auprès des gens qui galèrent le plus, en fait, qui ont des difficultés réelles dans leur vie et qui savent s'enrichir des moments de joie, même infimes, et qui les poussent vers l'avant. Une espèce de poussée d'entraînement vers l'avant, qui est pour moi beaucoup plus concret et réel que toutes ces injonctions à l'optimisme qu'on peut nous raconter. Ouais, parce que là, l'avant est une sorte de normalité, enfin de vie décente, quoi, en fait. Ouais. C'est pas l'avant vers... Non, vers la réussite. Très bien, merci pour cet éclairage différent de ce terme. Bon, je continue sur mes morceaux vieillots, sympas, voilà. Voilà, on se retrouve après. darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. Beneath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. Naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs. C'est le moment de lire Sioran, quoi, alors j'imagine. Oui, on a reposé l'ambiance. Bon, on est revenu à notre état naturel. Non, si, pas notre... forcément. Il oh, y a tendance une grosse naturelle. Mélancolie dans The Sound of Silence. Ou mélancolie, ouais. Mm. Enfin, en tout cas, il y a des sentiments qu'on pourrait qualifier de négatifs. Mm. Qui parle que quand même de notre incapacité à communiquer nos émotions entre nous. Ouais, c'est ce qui est dit. Ouais. Pourtant, il y a plein de choses qui peuvent être exprimées dans le silence. Mm. Par exemple. Voilà. Très bel exemple. Très bel exemple. Bon, c'est le moment de lire un peu de Sioran pour se mettre la pêche. Au hasard, par exemple. Alors, je me fous de tout. Si ces paroles ont été prononcées ne serait-ce qu'une seule fois, froidement, en parfaite connaissance de ce qu'elles signifient, l'histoire est justifiée et avec elle nous tous. Ouais, c'est pas très bien. Ah oui. Je n'ai pas connu une seule sensation de plénitude, de bonheur véritable, sans penser que c'était le moment ou jamais de m'effacer pour toujours. Voilà. Une dernière. C'est très Houellebecquien en fait, hein. J'ai l'impression comme... ce rien de lumière en chacun de nous et qui remonte bien avant notre naissance, bien avant toutes les naissances, c'est ce qu'il importe de sauvegarder, si nous voulons renouer avec cette clarté lointaine dont nous ne saurons jamais pourquoi nous fûmes séparés. Bon, c'est pas si... Bref, voilà, c'était pour le moment optimiste, ou disons pessimiste. Est-ce qu'on s'évade à nouveau ? Vers un monde un peu comme au début, fairy tale. Donc toi, tu veux aller dans un monde qui serait mieux que maintenant. Bah, et moi, c'est ma solution un petit peu au pessimisme, c'est l'évasion dans un monde imaginaire. Ah, imaginaire, donc ouais, pas... complètement imaginaire. Donc c'est l'irréalité. Mm. Donc t'as pas forcément de vue ou de croyance en un monde qui serait meilleur. En fait, la façon de ton optimisme, c'est l'ailleurs. Mon optimisme, c'est l'ailleurs et c'est le monde dans le monde. parce que les mondes imaginaires, des fois, ils prennent aussi un peu des formes concrètes dans les relations qu'on tisse, dans les moments qu'on vit. Il peut y avoir des concrétisations. Et la musique aussi aide à l'évasion, clairement. Et je pensais à musique, justement, sur cette envie d'évasion et un peu fantasmer. Breakcore, non, c'est pas un morceau breakcore. Non, c'est pas un morceau breakcore. Ok. Une clémente. Une évasion, ouais. Une clémente de musique. Allez. Oula. Étonnant ce morceau de musique. C'est un morceau récent alors. Plus ou moins. Plus 2018. Ou moins, ouais. 2018. Ouais, c'est plutôt récent. Sorti sur le label. Musique, le il n'est pas tout. Ouais. Usyk, il n'est pas tout, il est pas tout jeune, non. Non, il est pas tout jeune. Il est dans les années 80, à Londres. Ouais, voilà. Il est ouais. toujours à Londres. Ouais. Il, à mon avis, c'est quelqu'un qui est dans son studio, son home studio, avec plein de machines. Je ouais. le vois comme ça, moi, avec des câbles dans tous les sens. Parce qu'il explore quand même beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Musique. Il a un label, Planète Mu. Planète Mu, ouais, avec, que j'essaye de suivre assez régulièrement, parce qu'il y a quand même de belles découvertes dessus. Ouais, bah ouais, faudrait que je... Ouais. Oui, oui, à revoir, à réexplorer. Mais bon, ça te semble enthousiaste, ah oui, optimiste, non, ça c'est plutôt ce que tu disais avant, quoi, des trous, des sortes de ouais. trous, des trous, quoi. Des trous dans la réalité. Voilà. Mm. Mais qui en crée une autre. Qui en crée une autre, ouais. Peut-être. Un monde dans le monde. Un monde dans le monde. Alors, je mets un morceau, moi, ouais. tiens. Allez, hop. Vas-y. Morceau italien. Ah, c'est pas ça que je voulais mettre. Hop là. Voilà. Je crois que c'est ça. Ouais. Attention. Shum da undagna e scenga gana ma la short ma compagna e giammoe l'amore shum gas per dal mare zugando doc doc doc spacca legna Cosa c'è non c'è sta la bocca, ci sanguegna E scendo e ci vera d'amore va cercando mare Ma compagna e giammo l'amore sciuma casa per dal mare zugando doc doc doc spacca legna cosa c'è non c'è sta la bocca ci sanguegna e giammo L'amore è un magasso verde al mare E in fondo mare sta a riposo cuore We'll be right back. peu saturé. Voilà, donc moi je suis toujours sur la même veine de joie de vivre. Du groove. Donc ça c'est napolitain, c'est Sciumo. Voilà, le morceau c'est Bernardino. Voilà, Naples, ville de l'optimisme. Pas vraiment, mais bon. Une autre, c'est pas la même joie de vivre que Rome, on va dire. Un peu plus, je sais pas comment dire, peut-être moins bourgeoise que Rome, je ne sais pas. J'avais un petit truc à dire moi aussi sur ces injonctions à l'optimisme et au bonheur. Ça m'a un peu sauté aux yeux quand j'ai lu Romain Gary, La vie devant soi, ouais. avec ce jeune narrateur qu'on suit, Momo. Et j'ai une citation de lui que j'aime beaucoup, qui dit « Le bonheur, c'est une belle ordure, une peau de vache, il faudra lui apprendre à vivre. Ouais. » Que ces injonctions au bonheur sont quand même plutôt placées du côté des personnes qui jouissent de certains privilèges, qui peuvent prendre du recul de leur propre vie et pour pouvoir avancer dans le sens plutôt admis en tant que bien par la morale. Mais que finalement, la vie est une chienne, hein, comme on l'a toujours entendu. Et que ces injonctions-là, elles nous permettent pas, en tout cas, d'avancer ou de penser que la vie va se résoudre sans difficulté et sans souffrance. Ouais, bien sûr. Et surtout, les injonctions au bonheur, faut voir qu'est-ce qui est mis derrière bonheur. Ouais. Quand on... Voilà. C'est une donnée connexe, ouais. Une donnée connexe à l'optimisme, le bonheur. Oui. Je pense. Bon, bonheur, ouais, bref. Enfin, bonheur, c'est toujours... bon, j'en sais. Bonheur matériel. Là, plus je bois, et moins je... ouais, parce qu'on picole, quoi. J'ai de certitude. Bref. Bon, il y a des gens qui sont très heureux d'être malheureux, tu vois, il y a ce truc-là aussi. Oui. Bon, bref. Voilà, c'est dur de sortir des... De s'extraire des banalités, mais en tout cas il y a quand même on voit bien la séparation entre malgré tout il y a les injonctions au bonheur qui ça dépend par qui elles sont faites, quoi, c'est ça. En fait ça dépend par qui elles sont faites et par qui elles sont portées, et vers où elles vont, en fait. Ouais. Qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui est programmé, qu'est-ce qui est projeté, voilà, parce que malgré tout c'est quand même Qu'est-ce qu'on écoute alors? C'est quand même... Psy Chic TV peut-être? Ouais. Il nous reste encore un peu de temps. Allez, The Orchids. When all the numbers swim together and all the shadows settle, windows forced open, shut again, a flytrap and a petal, my eyes burn and claws rush to fill them. And in the morning, after the night, I fall in love with the light. It is so clear, I realize that here at last I have my eyes. Sex turns and claws rush to spill them. But in the morning, after the night, I fall in love with the light. It is so pure I can arise without the fear of secret lies. Na na na na na na na na na na na na. When all the spirits burn in light, their centerpiece by steel, my eyes burn and claws rush to fill them. But in the morning, after the night, I fall in love with the light. It is so clear I realize, and now at last I have my eyes. And in the morning, after the night, I fall in love with the light. And in the morning, after the night, I fall in love with the light. incroyable ce morceau de Psychic TV. Ouais, complètement. Dreams Less Sweet, c'est le nom de l'album, sorti en 83. Et puis ces voix qui se répondent là, c'est super qui beau. Chante Genesis Paris, j'imagine, ouais. Je pense qu'elle fait partie. Et après, c'est quand même un groupe qui a une construction, je sais pas comment dire, le nombre de multiforme, ouais, multiforme. À géométrie variable. À géométrie variable. Mmh. Et avec un nombre de sorties passées dans le Guinness Book. Ah ouais. Records. Ouais. D'accord. Mmh. Moi, j'ai une cassette qui est très électronique, quoi. Bon, c'est marrant. Super, Dreams Less Sweet. Est-ce qu'on reste dans ces petites ritournelles? Bah oui, oui. Une forme de ritournelle. Et ben on en a. Mais donc on c'est a... négatif là. Enfin bon, on revient encore sur ce truc de finalement les morceaux qui te rendent optimiste finalement sont pas les morceaux qui sont des injonctions à l'optimisme. Non, complètement pas. C'est pour ça que je les ai présentés comme positif. Mes morceaux doudous. Morceaux doudous, ouais. Ça me fait du bien d'écouter ce morceau-là. Je le trouve assez englobant et qui amène. C'est un peu comme finalement le morceau de musique. C'est on construit quelque chose et puis on va toujours un peu de l'avant. Il n'y aurait pas des morceaux dissonants qui te rendraient optimiste, par exemple. C'est forcément lié à une mélodie ou quelque chose d'englobant, de doudou. Je crois que les voix, ils sont aussi pour beaucoup les mélodies. La combinaison des deux est encore plus forte. Mmh. Et peut-être que après ça, on peut écouter. Alors, je sais pas si on dit OKLU ou OKLU et KCMQ. Je sais pas. On va repasser dans l'électronique un peu. Ouais. L'ARC qui veut dire se cacher pour être en embuscade, je crois que c'est. Ouais. Bouchard, là là. Émission beaucoup plus chaotique que... qu'à ses débuts. Qu'à ses débuts. On avance dans le temps aussi. Ouais. La nuit, dans l'ivresse. Morceau de donc M'oublie pas. Désolé pour le son, je crois que mon contrepoids est très mal réglé. Pauline Lafont, un morceau produit, écrit par Jacques Naud et Étienne Dao. Ah, Jacques Naud. Jacques Naud, ouais. Donc un morceau qui... Donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure, il y a des morceaux qui... Si l'optimisme c'est de la capacité à avancer, ben, il y a des morceaux qui, par les émotions qu'ils diffusent, permettent d'avancer, d'aller un petit peu plus loin en traversant la tristesse et la perte. Voilà. Mais en tout cas, c'est un message que j'adresse à tous les gens que j'aime. Ne m'oubliez pas. Voilà. Ah oui, on a oublié l'amour dans tout ça. On a oublié l'amour, oui. Qui est une bonne valeur pour avancer. Ouais, ou être content, on va dire. Voilà. C'est pas très loin de la fin de l'émission. Il te reste quelques morceaux encore à mettre, il me semble. Il reste 6 minutes. Il m'en reste un qui me tient beaucoup à cœur. Ouais, Blue Pedro, c'est ça ? Blue Pedro, ouais. Pour finir sur une note très joyeuse. Ouais, très bien. Peut-être qu'on peut... 24, ça va être... Le morceau fait 5 minutes 13, ça va être peut-être un peu court. Est-ce que... Qu'est-ce qu'il nous reste à dire dans tout ça ? Je ne sais pas. Alors, je pourrais mettre un morceau des Clash, par exemple. Qui nous rapproche peut-être d'un thème qu'on verra plus tard, qui est celui de la lutte. Ah, à venir. À venir, ou des luttes. Bon, je le mets un petit peu, mais... Malgré tout, la lutte requiert une forme d'optimisme. Ouais, et d'enthousiasme. Et d'enthousiasme, car si on ne croit pas que les choses vont s'améliorer, on peut pas lutter. On peut pas lutter, non, c'est clair. Voilà. Et lutter contre, ça requiert de l'enthousiasme, en tout cas. Et dans la lutte, il y a des formes d'enthousiasme qui sont très fortes. Ouais. Une vraie attente aussi de ces formes-là. Et je pense que c'est ce qui nous emmènera peut-être vers un monde un peu meilleur. Voilà. Bon, donc... Donc la notion d'optimisme est quand même multifacétée. Et finalement, des optimismes nourrissent... on va dire, les optimismes s'opposent presque. Voilà. Bon voilà, c'est ce qu'on pouvait dire. Maintenant, on peut mettre le morceau que tu voulais mettre pour la fin. Ouais. Ouais. C'est Pedro. Billion, Blue Pedro, une espèce de citation de Mike Oldfield. Ok. Ah oui. Ah bon. Ouais. Envie de fête un peu quand même. On a envie de fête, ouais. Ouais. Voilà. Notre optimisme se placerait dans l'envie de la fête. Exactement. Merci pour tout, Fanny. Merci, Lily. Bravo. Merci pour tous. Cette première expérience de radio. Pas de problème. Et à très vite. Merci à Pilote. Merci à tout le monde. Ciao. Nicolas Blanquet. Texte Cross-Border. Drunk off.